Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Jérusalem. Le 28 octobre, nous partons, à 5h du matin, du désert de Saint-Jean-Baptiste. Nous attendons l'aurore à cheval, dans la cour du couvent, fermée de hautes murailles, pour ne pas communiquer, dans les ténèbres, avec les Arabes et les Turcs pestiférés du village de Bethléem. À 5h30, nous sommes en marche, nous gravissons une montagne toute semée de roches grises énormes, et attachées en bloc, les unes les autres, comme si le marteau les avait cassées. Quelques vignes rampantes, aux feuilles jaunies par l'automne, se traînent dans de petits champs défrichés dans les intervalles des rochers, et d'énormes tours de pierre, semblables à celles dont parle le cantique des cantiques, s'élèvent dans ces vignes. Des figuiers, dont le sommet est déjà dépouillé de feuilles, sont jetés sur les bords de la vigne, et laissent tomber leurs figues noires sur la roche. À notre droite, le désert de Saint-Jean, où retentit la voix, Vox clamavit in deserto, voix de celui qui crie dans le désert, se creuse, comme un immense abîme, entre 5 ou 6 hautes et noires montagnes, et, dans l'intervalle que laisse leur sommet pierreux, l'horizon de la mer d'Égypte, couvert d'une brume noirâtre, s'entr'ouvre à nos yeux. À notre gauche, et tout près de nous, voici une ruine de tours ou de châteaux antiques, sur la pointe d'un mamelon très élevé, qui se dépouille, comme tout ce qui l'entoure. On distingue quelques autres ruines, semblables aux arches d'un aqueduc, descendant de ce château. Sur la pente de la montagne, quelques ceps croissent à leurs pieds, et jettent sur ces arches écroulées quelques voûtes de verdure jaune et pâle. Un ou deux térébins croissent isolés dans ces débris, ces modins, le château et le tombeau des derniers hommes héroïques de l'histoire sacrée, les Maccabées, nous laissons derrière nous ces ruines, étincelant des rayons les plus hauts du matin. Ces rayons ne sont pas fondus, comme en Europe, dans une vague et confuse clarté, dans un rayonnement éclatant et universel. Ils s'élancent, du haut des montagnes qui nous cachent Jérusalem, comme des flèches de feu de diverses teintes, réunies à leur centre, et divergeant dans le ciel à mesure qu'ils s'en éloignent. Les uns sont d'un bleu légèrement argenté, les autres d'un blanc mat. Ceux-ci d'un rose tendre et pâlissant sur leur bord, ceux-là d'une couleur de feu ardent, et chaud comme les rayons d'un incendie, divisés, et cependant harmonieusement accordés, par des teintes successives et dégradées. Il ressemble à un brillant arc-en-ciel, dont le cercle se serait brisé dans le firmament, et qui se disséminerait dans les airs. C'est la troisième fois que ce beau phénomène de l'aurore ou du coucher du soleil se présente à nous sous cet aspect, depuis que nous sommes dans la région montagneuse de la Galilée et de la Judée. C'est l'aurore ou le soir tel que les peintres antiques les représentent, image qui paraît très fausse à qui n'a pas été témoin de la réalité. À mesure que le jour monte, l'éclat distinct et la couleur azurée ou enflammée de chacune de ces barres lumineuses diminue, et se fond dans la lueur générale de l'atmosphère. Et la lune qui était suspendue sur nos têtes, rose encore et couleur de feu, s'efface, prend une teinte nacrée, et s'enfonce dans la profondeur du ciel comme un disque d'argent, dont la couleur pâlit à mesure qu'il s'enfonce dans une eau profonde. Après avoir gravi une seconde montagne, plus haute et plus nue encore que la première, l'horizon s'ouvre tout à coup sur la droite, et laisse voir tout l'espace qui s'étend entre les derniers sommets de la Judée où nous sommes, et la haute chaîne des montagnes d'Arabie. Cet espace est inondé déjà de la lumière ondoyante et vaporeuse du matin. Après les collines inférieures qui sont sous nos pieds, roulées, brisées en blocs de roches grises et concassées, l'œil ne distingue plus rien que cet espace éblouissant et si semblable à une vaste mer, que l'illusion fut pour nous complète, et que nous crûmes discerner ces intervalles d'ombre foncée de plaques mates et argentées, que le jour naissant fait briller ou fait assombrir sur une mer calme. Sur les bords de cet océan imaginaire, un peu sur la gauche de notre horizon, et environ à une lieue de nous, le soleil brillait sur une tour carrée, sur un minaret élevé, et sur les larges murailles jaunes de quelques édifices qui couronnent le sommet d'une colline basse, et dont la colline même nous dérobait la base. Mais à quelques points de minaret, à quelques créneaux de murs plus élevés, et à la cime noire et bleue de quelques dômes qui pyramidaient derrière la tour et le grand minaret, on reconnaissait une ville, dont nous ne pouvions découvrir que la partie la plus élevée, et qui descendait le long des flancs de la colline. Ce ne pouvait être que Jérusalem, nous nous en croyions plus éloignés encore, et chacun de nous, sans oser rien demander au guide, de peur de voir son illusion détruite, jouissait en silence de ce premier regard jeté à la dérobée sur la ville, et tout m'inspirait le nom de Jérusalem. C'était elle. Elle se détachait en jaune sombre et mat, sur le fond bleu du firmament et sur le fond noir du mont des Oliviers. Nous arrêtâmes nos chevaux pour la contempler dans cette mystérieuse et éblouissante apparition. Chaque pas que nous avions à faire, en descendant dans les vallées profondes et sombres qui étaient sous nos pieds, allait de nouveau la dérober à nos yeux. Derrière ces hautes murailles et ces dômes abaissés de Jérusalem, une haute et large colline s'élevait en seconde ligne, plus sombre que celle qui portait et cachait la ville. Cette seconde colline bordait et terminait pour nous l'horizon. Le soleil laissait dans l'ombre son flanc occidental, mais rasant de ses rayons verticaux sa cime, semblable à une large coupole. Il paraissait faire nager son sommet transparent dans la lumière, et l'on ne reconnaissait la limite indécise de la terre et du ciel qu'à quelques arbres larges et noirs plantés sur le sommet le plus élevé, et à travers lesquels le soleil faisait passer ses rayons. C'était la montagne des Oliviers. C'étaient ces Oliviers eux-mêmes, vieux témoins de tant de jours écrits sur la terre et dans le ciel, arrosé de larmes divines, de la sueur de sang, et de tant d'autres larmes et de tant d'autres sueurs, depuis la nuit qui les a rendus sacrés. On en distinguait confusément quelques autres qui formaient des taches sombres sur ses flancs, puis les murs de Jérusalem coupaient l'horizon, et cachaient le pied de la montagne sacrée, plus près de nous, et immédiatement sous nos yeux. Rien que le désert de pierre, qui sert d'avenue à la ville de pierre, ces pierres énormes et fondues, d'une teinte uniforme de gris de cendre, s'étendent, sans interruption, depuis l'endroit où nous étions jusqu'aux portes de Jérusalem. Les collines s'abaissent et se relèvent, des vallées étroites circulent et serpentent entre leurs racines, quelques vallons même s'étendent çà et là, comme pour tromper l'œil de l'homme et lui promettre la végétation et la vie. Mais tout est de pierre, colline, vallée et plaine, ce n'est qu'une seule couche de 10 ou 12 pieds d'épaisseur de roche, qui n'offre qu'assez d'intervalle entre elles pour laisser ramper le reptile, ou pour briser la jambe du chameau qui s'y enfonce. Si l'on se représente d'énormes murailles de pierre colossales comme celles du Colisée ou des grands théâtres romains, s'écroulant d'une seule pièce, et recouvrant de leurs pans immenses la terre qui les porte, on aura une exacte idée de la couche et de la nature des roches qui recouvrent partout ces derniers remparts de la ville du désert. Plus on approche, plus les pierres se pressent et s'élèvent comme des avalanches éternelles, prêtes à engloutir le passant. Les derniers pas que l'on fait avant de découvrir Jérusalem sont creusés au milieu d'une avenue immobile et funèbre de ces rochers qui s'élèvent de 10 pieds au-dessus de la tête du voyageur, et ne laissent voir que la partie du ciel qui est au-dessus d'eux. Nous étions dans cette dernière et lugubre avenue, nous y marchions depuis un quart d'heure, quand les rochers, s'écartant tout à coup à droite et à gauche, nous laissèrent face à face avec les murs de Jérusalem, auxquels nous touchions sans nous en douter. Un espace vide de quelques centaines de pas s'étendait seul entre la porte de Bethléem et nous. Cet espace, aride et ondulé comme ces glacis qui entourent de loin les places fortes de l'Europe et désolées comme eux, s'ouvrait à droite, et s'y creusait en un étroit vallon, qui descendait en pente douce, et à gauche il portait 5 vieux troncs d'olivier à demi couchés sous le poids du temps et des soleils, arbres pour ainsi dire pétrifiés, comme les champs stériles d'où ils sont péniblement sortis. La porte de Bethléem, dominée par 2 tours couronnées de créneaux gothiques, mais déserte et silencieuse comme ces vieilles portes de châteaux abandonnés, était ouverte devant nous. Nous restâmes quelques minutes immobiles à la contempler. Nous brûlions du désir de la franchir, mais la peste était à son plus haut période d'intensité dans Jérusalem. On ne nous avait reçus au couvent de Saint-Jean-Baptiste du désert que sous la promesse la plus formelle de ne pas entrer dans la ville. Nous n'entrâmes pas, et, tournant à gauche, nous descendîmes lentement le long des hautes murailles, bâties au revers d'un ravin profond ou d'un fossé où nous apercevions de temps en temps les pierres fondamentales de l'ancienne enceinte d'Hérode. À tous les pas nous rencontrions les cimetières turcs, blanchis de monuments funéraires surmontés du turban. Ces cimetières, dont la peste peuplait chaque nuit les solitudes, étaient çà et là remplis de groupes de femmes turques et arabes qui venaient pleurer leur mari ou leur père. Quelques tentes étaient plantées sur les tombes, et 7 ou 8 femmes assises ou à genoux, tenant de beaux enfants qu'elles allaitaient, sur leurs bras, poussaient, par intervalles, des lamentations cadencées, chants ou prières funèbres dont la religieuse mélancolie s'alliait merveilleusement à la scène désolée qui était sous nos yeux. Ces femmes n'étaient point voilées. Quelques-unes étaient jeunes et belles, elles avaient à côté d'elles des corbeilles pleines de fleurs artificielles, et peintes de couleurs éclatantes, qu'elle plantait tout autour du tombeau en les arrosant de larmes. Elle se penchait de temps en temps vers la terre fraîchement remuée, et chantait aux morts quelques versets de leurs complaintes, paraissant lui parler tout bas. Puis, restant en silence, l'oreille collée au monument, elles avaient l'air d'attendre et d'écouter la réponse. Ces groupes de femmes et d'enfants, assis pour pleurer là tout le jour, était le seul signe de vie et d'habitation humaine qui nous apparut pendant notre circuit autour des murailles. Du reste, nul bruit, nulle fumée ne s'élevait. Et quelques colombes, volant des figuiers aux créneaux, et des créneaux sur les bords des piscines saintes, étaient le seul mouvement et le seul murmure de cette enceinte muette et vide. À moitié chemin de la descente qui nous conduisait au cédron et au pied du mont des Oliviers, nous vîmes une grotte profonde, ouverte, non loin des fossés de la ville, sous un monticule de roches jaunâtres. Je ne voulus pas m'y arrêter, je voulais voir d'abord Jérusalem, et rien qu'elle, et elle tout entière, embrassée d'un seul regard avec ses vallées et ses collines, son Josaphat et son cédron, son temple et son sépulcre, ses ruines et son horizon. Nous passâmes ensuite devant la porte de Damas, charmant monument du goût arabe, flanqué de 2 tours, ouverte par une large, haute et élégante ogive, et crénelée de créneaux arabesques en forme de turban de pierre. Puis nous tournâmes à droite contre l'angle des murs de la ville, qui forment du côté du nord un carré régulier, et ayant à notre gauche la profonde et obscure vallée de Gethsémani, dont le torrent sec du Cèdre occupé remplit le fond. Nous suivîmes, jusqu'à la porte de Saint-Étienne, un sentier étroit touchant aux murailles, interrompu par deux belles piscines, dans l'une desquelles le Christ guérit le paralytique. Ce sentier est suspendu sur une marge étroite qui domine le précipice de Gethsémani et la vallée de Josaphat. À la porte de Saint-Étienne, il est interrompu dans sa direction le long des terrasses à pic qui portaient le temple de Salomon, et porte aujourd'hui la mosquée d'Omar. Et une pente rapide et large descend tout à coup à gauche, vers le pont qui traverse le Cèdre et conduit à Gethsémani et au Jardin des Olives. Nous passâmes ce pont, et nous redescendîmes de cheval en face d'un charmant édifice d'architecture composite, mais d'un caractère sévère et antique, qui est comme enseveli au plus profond de la vallée de Gethsémani et en occupe toute la largeur. C'est le tombeau supposé de la Vierge, Mère du Christ. Il appartient aux Arméniens, dont les couvents étaient les plus ravagés par la peste. Nous n'entrâmes donc pas dans le sanctuaire même du tombeau. Je me contentai de me mettre à genoux sur la marche de marbre de la cour qui précède ce joli temple, et d'invoquer celle dont toute mère apprend, de bonne heure, à son enfant le culte pieux et tendre. En me levant, j'aperçus derrière moi un arpent détendu, touchant d'un côté à la rive élevée du torrent du Cédron, et de l'autre s'élevant doucement contre la base du mont des Olives. Un petit mur de pierre sans ciment entoure ce champ, et 8 oliviers, espacés de 30 à 40 pas les uns des autres, le couvrent presque tout entier de leur ombre. Ces oliviers sont au nombre des plus gros arbres de cette espèce que j'ai jamais rencontrés. La tradition fait remonter leurs années jusqu'à la date mémorable de l'agonie de l'homme-dieu qui les choisit pour cacher ses divines angoisses. Leur aspect confirmerait au besoin la tradition qui les vénère. Leurs immenses racines, comme les accroissements séculaires, ont soulevé la terre et les pierres qui les recouvraient, et, s'élevant de plusieurs pieds au-dessus du niveau du sol, présentent aux pèlerins des sièges naturels, où ils peuvent s'agenouiller ou s'asseoir pour recueillir les saintes pensées qui descendent de leur cime silencieuse. Un tronc noueux, cannelé, creusé par la vieillesse comme par des rites profondes, s'élève en larges colonnes sur ces groupes de racines, et, comme accablé et penché par le poids des jours, s'incline à droite ou à gauche, et laisse pendre ses vastes rameaux entrelacés, que l'âge a 100 fois retranchés pour les rajeunir. Ces rameaux vieux et lourds, qui s'inclinent sur le tronc, emportent d'autres plus jeunes qui s'élèvent un peu vers le ciel, et d'où s'échappent quelques tiges d'une ou deux années, couronnées de quelques touffes de feuilles, et noircies de quelques petites olives bleues qui tombent, comme des reliques célestes, sur les pieds du voyageur chrétien. Je m'écartai de la caravane, qui était restée autour du tombeau de la Vierge, et je m'assis un moment sur les racines du plus solitaire et du plus vieux de ces oliviers. Son ombre me cachait les murs de Jérusalem. Son large tronc me dérobait au regard des bergers, qui paissaient des brebis noires sur le penchant du mont des Olives. Je n'avais sous les yeux que le ravin profond et déchiré du Cédron, et les cimes de quelques autres oliviers qui couvrent en cet endroit toute la largeur de la vallée de Josaphat. Nul bruit ne s'élevait du lit du torrent à sec, nulle feuille ne frémissait sur l'arbre. Je fermai un moment les yeux, je me reportai en pensée à cette nuit, veille de la rédemption du genre humain, où le messager divin avait bu jusqu'à la lie le calice de l'agonie, avant de recevoir la mort de la main des hommes, pour salaire de son céleste message. Je demandai ma part de ce salut qu'il était venu apporter au monde ainsi au prix. Je me représentais l'océan d'angoisse qui dut inonder le cœur du Fils de l'homme quand il contempla d'un seul regard toutes les misères, toutes les ténèbres, toutes les amertumes, toutes les vanités, toutes les iniquités du sort de l'homme. Quand il voulut soulever seul ce fardeau de crime et de malheur sous lequel l'humanité tout entière passe courbée et gémissante dans cette étroite vallée de larmes. Quand il comprit qu'on ne pouvait apporter même une vérité et une consolation nouvelle à l'homme qu'au prix de sa vie, quand, reculant d'effroi devant l'ombre de la mort qu'il sentait déjà sur lui, il dit à son père, « Que ce calice passe loin de moi. Et moi, homme misérable, ignorant et faible, je pourrais donc m'écrier aussi, au pied de l'arbre de la faiblesse humaine, Seigneur, que tous ces calices d'amertume s'éloignent de moi, et soient reversés par vous dans ce calice déjà bu pour nous tous. » Lui avait la force de le boire jusqu'à la lie. Il vous connaissait. Il vous avait vu. Il savait pourquoi il allait le boire. Il savait quelle vie immortelle l'attendait au fond de son tombeau de 3 jours. Mais moi, Seigneur, que sais-je, si ce n'est la souffrance qui brise mon cœur, et l'espérance qu'il m'a apprise? Je me relevai, et j'admirai combien ce lieu avait été divinement prédestiné et choisi pour la scène la plus douloureuse de la passion de l'homme-Dieu. C'était une vallée étroite, encaissée, profonde, fermée au nord par des hauteurs sombres et nues qui portaient les tombeaux des rois, ombragée à l'ouest par l'ombre des murs sombres et gigantesques d'une ville d'iniquité, couverte à l'orient par la cime de la montagne des Oliviers, et traversée par un torrent qui roulait ses ondes amères et jaunâtres sur les rochers brisés de la vallée de Josepha. À quelques pas de là, un rocher noir et nu se détache, comme un promontoire, du pied de la montagne, et, suspendu sur le cédron et sur la vallée, porte quelques vieux tombeaux des rois et des patriarches, taillés en architecture gigantesque et bizarre, et s'élance, comme le pont de la mort, sur la vallée des Lamentations. À cette époque, sans doute, les flancs, aujourd'hui demi-nus, de la montagne des Oliviers étaient arrosés par l'eau des piscines et par les flots encore coulants du Cédron. Des jardins de grenadiers, d'orangers et d'oliviers, couvraient d'une ombre plus épaisse l'étroite vallée de Gethsémani, qui se creuse, comme un nid de douleur, dans le fond le plus rétréci et le plus ténébreux de celle de Josepha. L'homme d'opprobre, l'homme de douleur pouvait s'y cacher comme un criminel, entre les racines de quelques arbres, entre les roches du torrent, sous les triples ombres de la ville, de la montagne et de la nuit. Il pouvait entendre de là les pas secrets de sa mère et de ses disciples, qui passaient sur le chemin en cherchant leur fils et leur maître, les bruits confus, les acclamations stupides de la ville, qui s'élevait au-dessus de sa tête, pour se réjouir d'avoir vaincu la vérité et chassé la justice, et le gémissement du cédron, qui roulait ses ondes sous ses pieds, et qui bientôt allait voir sa ville renversée et ses sources brisées par la ruine d'une nation coupable et aveugle. Le Christ pouvait-il mieux choisir le lieu de ses larmes? Pouvait-il arroser de la sueur de sang une terre plus labourée de misère, plus abreuvée de tristesse, plus imbibée de lamentation? Je remontais à cheval, et, tournant à chaque instant la tête pour apercevoir quelque chose de plus de la vallée et de la ville, je gravis en un quart d'heure la montagne des Oliviers. Chaque pas que faisait mon cheval sur le sentier qui y monte me découvrait un quartier, un édifice de plus de Jérusalem. J'arrivais au sommet couronné d'une mosquée en ruine qui couvre la place où le Christ s'éleva au ciel après sa résurrection. Je déclinais un peu vers la droite de cette mosquée pour arriver auprès de 2 colonnes brisées, couché à terre au pied de quelques oliviers, sur un plateau qui regarde à la fois Jérusalem, Sion, les vallées de Saint-Saba qui mènent à la mer morte, la mer morte elle-même, brillant de là entre les cimes des montagnes et l'horizon immense et sillonné de cimes diverses qui se terminent aux montagnes d'Arabie. Là, je m'assis. Voici la scène devant moi. La montagne des Oliviers, au sommet de laquelle je suis assis, descend, en pente brusque et rapide, jusque dans le profond abîme qui la sépare de Jérusalem et qui s'appelle la vallée de Josepha. Du fond de cette sombre et étroite vallée dont les flancs nus sont tachetés de pierres noires et blanches, pierres funèbres de la mort, dont ils sont presque partout pavés, s'élève une immense et large colline dont l'inclinaison rapide ressemble à celle d'un haut rempart éboulé. Nul arbre n'y peut planter ses racines, nulle mousse même n'y peut accrocher ses filaments. La pente est si roide, que la terre et les pierres y croulent sans cesse, et elle ne présente à l'œil qu'une surface de poussière aride et desséchée, semblable à des monceaux de cendres jetés du haut de la ville. Vers le milieu de cette colline ou de ce rempart naturel, de hautes et fortes murailles de pierres larges et non taillées sur leur face extérieure prennent naissance, cachant leurs fondations romaines et hébraïques sous cette cendre même qui recouvre leurs pieds, et s'élèvent ici de 50, 200, et, plus loin, de 2 à 300 pieds au-dessus de cette base de terre. Les murailles sont coupées de 3 portes de ville, dont 2 sont murées, et dont la seule ouverture devant nous semble aussi vide et aussi déserte que si elle ne donnait entrée que dans une ville inhabitée. Les murs s'élèvent encore au-dessus de ces portes, et soutiennent une large et vaste terrasse qui s'étend sur les 2/3 de la longueur de Jérusalem, du côté qui regarde l'Orient. Cette terrasse peut avoir à vue d'œil 1000 pieds de long sur 5 à 600 pieds de large. Elle est d'un niveau à peu près parfait, sauf à son centre où elle se creuse insensiblement, comme pour rappeler à l'œil la vallée peu profonde qui séparait jadis la colline de Sion de la ville de Jérusalem. Cette magnifique plateforme, préparée sans doute par la nature, mais évidemment achevée par la main des hommes, était le piédestal sublime sur lequel s'élevait le temple de Salomon. Elle porte aujourd'hui 2 mosquées turques. L'une, El Sakara, au centre de la plateforme, sur l'emplacement même où devait s'étendre le temple. L'autre, à l'extrémité sud-est de la terrasse, touchant au mur de la ville. La mosquée de Mar, ou El Sakara, édifice admirable d'architecture arabe, est un bloc de pierre et de marbre d'immense dimension, à 8 pans, chaque pan orné de cette arcade terminée en ogive. Au-dessus de ce premier ordre d'architecture, un toit en terrasse, d'où partout un autre ordre d'arcade plus rétréci, terminé par un dôme gracieux couvert en cuivre, autrefois doré. Les murs de la mosquée sont revêtus d'émail bleu. À droite et à gauche s'étendent de larges parois terminées par de légères colonnades mauresques, correspondant aux 8 portes de la mosquée. Au-delà de ces arches détachées de tout autre édifice, les plateformes continuent et se terminent, l'une à la partie nord de la ville, l'autre au mur du côté du midi. De aussi près disséminés comme au hasard, quelques oliviers, et des arbustes verts et gracieux, croissant çà et là entre les mosquées, relèvent leur élégante architecture et la couleur éclatante de leurs murailles, par la forme pyramidale et la sombre verdure qui se découpe sur la façade des temples et des dômes de la ville. Au-delà des 2 mosquées et de l'emplacement du temple, Jérusalem tout entière s'étend et jaillit, pour ainsi dire, devant nous, sans que l'œil puisse en perdre un toit ou une pierre. est comme le plan d'une ville en relief que l'artiste étalerait sur une table. Cette ville, non pas comme on nous l'a représentée, à main informe et confus de ruines et de cendres sur lesquelles sont jetées quelques chaumières d'arabes, ou plantées quelques tentes de bédouins, non pas comme Athènes, chaos de poussière et de murs écroulés, où le voyageur cherche en vain l'ombre des édifices, la trace des rues, la vision d'une ville, mais ville brillante de lumière et de couleur, présentant noblement au regard ses murs intacts et crénelés, sa mosquée bleue avec ses colonnades blanches, ses milliers de dômes resplendissants, sur lesquels la lumière d'un soleil d'automne tombe et rejaillit en vapeur éblouissante, les façades de ces maisons teintes, par le temps et par les étés, de la couleur jaune et dorée des édifices de Paestum ou de Rome, ces vieilles tours, gardiennes de ces murailles, auxquelles il ne manque ni une pierre, ni une meurtrière, ni un créneau, et enfin, au milieu de cet océan de maisons et de cette nuée de petits dômes qui les recouvrent, un dôme noir et surbaissé, plus large que les autres, dominé par un autre dôme blanc, c'est le Saint-Sépulcre et le Calvaire. Ils sont confondus et comme noyés, de là, dans l'immense dédale de dômes, d'édifices et de rues qui les environnent, et il est difficile de se rendre compte ainsi de l'emplacement du calvaire et de celui du sépulcre, qui, selon les idées que nous donne l'Évangile, devrait se trouver sur une colline écartée hors des murs, et non dans le centre de Jérusalem. La ville, rétrécie du côté de Sion, se sera sans doute agrandie du côté du nord pour embrasser, dans son enceinte, les deux sites qui font sa honte et sa gloire, le site du supplice du juste, et celui de la résurrection de l'homme-Dieu. Voilà la ville du haut de la montagne des Oliviers. Elle n'a pas d'horizon derrière elle, ni du côté de l'Occident ni du côté du Nord. La ligne de ses murs et de ses tours, les aiguilles de ses nombreux minarets, les cintres d'os et dômes éclatants, se découpe à nu et crûment sur le bleu d'un ciel d'Orient, et la ville, ainsi portée et présentée sur son plateau large et élevé, semble briller encore de toute l'antique splendeur de ses prophéties, ou n'attendre qu'une parole pour sortir toute éblouissante de ses 17 ruines successives, et devenir cette Jérusalem nouvelle qui sort du sein du désert, brillante de clarté. C'est la vision avant la plus éclatante que l'œil puisse avoir d'une ville qui n'est plus, car elle semble être encore, et rayonner comme une ville pleine de jeunesse et de vie. Et cependant, si l'on y regarde avec plus d'attention, on sent que ce n'est plus en effet qu'une belle vision de la ville de David et de Salomon. Aucun bruit ne s'élève de ses places et de ses rues, il n'y a plus de route qui mène à ses portes de l'Orient ou de l'Occident, du Midi ou du Septentrion. Il n'y a que quelques sentiers serpentant au hasard entre les rochers, où l'on ne rencontre que quelques Arabes demi-nus, montés sur leurs ânes, et quelques chameliers de Damas, ou quelques femmes de Bethléem ou de Jéricho, portant sur leur tête un panier de raisins d'Engadi, ou une corbeille de colombes qu'elles vont vendre le matin, sous les térébintes, hors des portes de la ville. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.